Vous êtes sur Energy, soyez les bienvenus, moi c'est Lionel. Ladies and gentlemen. Les Energy Music Awards 2013. Ah, c'est très très chaud, les coulisses des Energy Music Awards sur le yacht Energy dans le port de Cannes. Avec vous tous dans toute la France, il y a beaucoup de messages qui arrivent. On va essayer de tous les passer, on les fait suivre aux artistes qui viennent de nous retrouver ici sur le yacht. Notamment les élèves de la Star Academy 2012. Il y a Sidoine et Daniel qui sont avec nous sur le yacht. Bonjour à tous. Ça crie les prénoms devant le yacht, t'as vu? Bon, ça fait plaisir de vous avoir les garçons. Vos impressions quand même, parce que vous qui êtes des artistes en devenir, hein, des futurs stars, hein, puisque c'est le principe de la Star Academy, de faire de vous des stars. Voir tous ces artistes au Energy Music Awards, ça doit être assez impressionnant quand même. Franchement, c'est super impressionnant et ça donne vraiment envie de bosser. Et voilà, il faut faire ses preuves. On a envie tous d'arriver à ce niveau-là et c'est... Voilà, c'est super motivant de voir des gens comme ça qui ont su en plus rester simples et qui partagent autant avec le public. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment envie, encore plus envie de faire ce métier. Alors, il y a Magali au 4 chemins Aubervilliers qui demande si vous êtes fait des potes chez les stars ce week-end. Lequel est sympa, lequel se la raconte un peu? Vas-y, allez, balancez. Daniel, vas-y, balance. Non, ils sont tous sympas et c'est vrai qu'on a l'occasion déjà de rencontrer pas mal sur les primes. Et franchement, ils sont tous très, très sympas. On a rencontré Youssoupha, Section d'Assaut, Jennifer et plein d'autres. Et franchement, tous ont été super humbles et super cool. Donc, cool. Alors, Sidoine, toi, t'as chanté hier au concert Before des Energy Music Awards avec Jennifer, Section d'Assaut, Kinvé, raconte-nous. Franchement, j'ai eu quand même un peu stressé. Ouais, j'étais super stressé. Voilà, ça met la pression de passer à côté de après des artistes comme ça. Franchement, sur la scène, après, c'est que et du bonheur. Accueil du public incroyable. Non, ouais, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Si j'avais su un jour que je ferais un truc comme ça. Waouh, c'est vraiment de la folie. Bon, en tout cas, merci d'être passé sur le yacht Energy cet après-midi. La Star Academy Révolution, tous les jeudis 20h50 sur Energy 12. La finale, c'est le 28 février avec Mathieu Delormeau et Tonya Kissinger. Merci Daniel. Merci à tous. Vivez bien, c'est Energy Music Awards. On se retrouve très vite avec Calvin Harris. Ne bougez pas. Apprenez-en plus sur l'équipe qui, tous les matins, est avec vous dans le 6-9 sur Énergie. Stéphanie. J'aime bien sortir mes chaussettes avec ma tenue. Même si personne ne le voit, moi je trouve ça important. J'avoue, quand je suis toute seule chez moi, je parle à mon chien. Parfois, ça m'arrive de fouiller un peu dans les affaires de mon mec. À chaque fois que les gens découvrent leur nouvelle maison dans déco, bah, je verse une petite larme. Quand je fais mes courses, j'avoue, je fais partie de ces gens qui ont un caddie avec des roues. Mais attention, le mien, il est cool. Hein. Il est rose bonbon avec une grosse poche à paillettes. Rendez-vous lundi 6h-9h sur Énergie.